Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Méditation supplémentaire. Les trois premières méditations suivantes sont traduites du Père Petit Didier. On a profité, pour les autres, des richesses des anciens auteurs spirituels. Le jugement général, où la fin du temps est le commencement de l'éternité. L'oraison préparatoire accoutumée. Dans le premier prélude, je contemplerai tous les peuples rassemblés dans la vallée de Josaphat, et Jésus-Christ venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande majesté. Dans le second prélude, je demanderai une crainte salutaire du jugement, et la grâce de le prévenir en me jugeant moi-même. Premier point, je me rappellerai avec frayeur quels doivent être les signes, avant-coureurs du jugement général. Premièrement, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les peuples seront dans la consternation. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente des maux dont le monde entier sera menacé. Luc 21, 25, 26. Deuxièmement, la persécution de l'Antéchrist sera plus cruelle que toutes celles qui l'auront précédée, et elle sera accompagnée de prodiges capables de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais le nombre de ces jours sera abrégé en leur faveur. Matthieu 24, 24, 22. Troisièmement, le feu tombera soudainement du ciel, nul ne pourra s'y soustraire, l'embrasement sera universel. Quatrièmement, la voix de l'archange se mêlera aux sons effrayants et prolongés de la trompette, 1 Thessaloniciens 4, 15, mort, levez-vous, venez au jugement. Cinquièmement, à ce signal tous les morts sortiront du tombeau, mais dans un état différent, selon la diversité de leurs mérites. 1 Corinthiens 15, 52. Sixièmement, les bons et les méchants seront rassemblés, sans distinction, dans la vallée de Josaphat. Joël 3, 2. Septièmement, les anges viendront et ils sépareront les méchants du milieu des justes, Matthieu 13, 49, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs, Matthieu 25, 32. Huitièmement, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux, le juge des vivants et des morts, environné des anges, viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Matthieu 24, 30. Neuvièmement, à cette vue tous les peuples de la terre s'abandonneront aux pleurs et aux gémissements. Matthieu 24, 30. Et ils commenceront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Luc 23, 20. Je me pénétrerai intimement de ces vérités, si capables de m'inspirer une juste crainte, et de me glacer d'effroi, à la vue de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, 16. Second point. Je considérerai l'examen qui suivra la résurrection des corps, et dont les principaux chefs seront 1. La manifestation des consciences. Premièrement, les livres furent ouverts, et on jugea les morts d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Apocalypse 20, 12. Le livre général est la sagesse divine, le livre spécial, la conscience de chacun. Dans ces deux livres seront inscrits tous les péchés, graves et légers, publics et secrets, propres et étrangers. Deuxièmement, on proclamera les devoirs de chaque profession, c'est d'après cette règle que seront examinées toutes nos œuvres. Troisièmement, on demandera compte des grâces, des talents, des emplois, et l'on exigera davantage de celui qui aura plus reçu, car il est juste que les fruits soient en rapport avec les dons. Saint Grégoire, homélie sur les évangiles 9. 2. Les reproches multipliés. Premièrement des démons accusateurs, tel jour, à telle heure, en tel endroit, tu as fait telle action. Deuxièmement des bons anges, qui se plaindront de l'inutilité de leurs travaux. Nous avons pris soin de Babylone, et elle n'a point été guérie, abandonnons-la maintenant. Jérémie 2, 9. Troisièmement de nos saints patrons, de nos supérieurs, de nos égaux, qui nous mettront devant les yeux leurs commandements, leurs avis, leurs exemples. Quatrièmement de la conscience dévoilée à tous les hommes et forçant chacun à reconnaître des vies sur lesquelles il avait toujours fermé les yeux. Nous sommes tes œuvres. C'est toi qui nous as faites. Nous te suivrons, et nous ne te quitterons pas. Saint Bernard, Hugues de Saint-Victor, Cognito Humanae Conditions chapitre 2. Cinquièmement de Jésus-Christ nous adressant ses paroles. Tu as fait ces choses, et j'ai gardé le silence. Tu as pensé faussement que je serais semblable à toi, et que je laisserais tes crimes impunis, mais je te reprendrai sévèrement, et j'exposerai tes œuvres devant toi. Psaume 49. Ô honte, ô confusion. 3. Les comparaisons les plus capables de me confondre. Premièrement, comparaison avec les infidèles. Un grand nombre, s'il avait eu les mêmes secours que moi, aurait embrassé la foi, et aurait conformé leurs mœurs à leurs croyances. De là ces paroles du Sauveur, « Malheur à toi, Chorosaïne », Matthieu 11, 21. Deuxièmement, comparaison avec les pécheurs. Combien se seraient convertis sincèrement et auraient fait une pénitence salutaire, s'ils avaient reçu les grâces que Dieu a bien voulu m'accorder dans sa miséricorde. Troisièmement, comparaison avec tant de personnes qui ont mené au milieu du monde une vie édifiante et irréprochable. Quatrièmement, comparaison avec ceux de mon état, qui, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes moyens, sont devenus des saints. Cinquièmement, comparaison, en un mot, avec tous ceux qui auront reçu moins de grâce que moi, ou qui n'en ayant pas reçu davantage, auront cependant fait moins de mal ou plus de bien que moi. Sixièmement, je dis plus, comparaison peut-être avec de grands saints, dont le principe de sainteté aura été la fidélité à de premières grâces qui m'ont été également offertes, et auquel j'ai résisté. Malheureux pécheur, que pourrais-je répondre? Comment soutiendrais-je les regards et les reproches de Jésus-Christ mon juge, moi qui tremble à l'aspect d'un homme irrité? Troisième point. Je méditerai la sentence que doit porter le Fils de Dieu, et contre les méchants, et en faveur des justes, qui seront punis ou récompensés selon leurs mérites. Premièrement, j'entendrai d'abord la sentence en faveur des élus, puis la sentence contre les réprouvés. Sentence irrévocable, la louange et la consolation des justes, la confusion et le désespoir des méchants, la preuve éclatante de la bonté et de la justice de Dieu, la manifestation de sa providence, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. 1 Corinthiens 4, 5. Deuxièmement, ces deux sentences seront publiques et motivées. Venez, les bénis de mon Père. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Retirez-vous de moi, maudit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu 25, 34 et suivant. Et tous s'écrieront, vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est équitable. Psaume 118. Troisièmement, Aussitôt suivra inévitablement l'exécution de la sentence, et ceux-ci iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. C'est ainsi que chacun recevra ce qui est dû aux actions bonnes ou mauvaises qu'il aura faites pendant qu'il était revêtu de son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Fruit. D'un côté, espérance et ferveur, de l'autre, crainte et tremblement. Je serai nécessairement du nombre des uns ou des autres, mais du nombre desquels serai-je, Dieu le sait. Colloque. À mon juge, selon les sentiments dont je serai pénétré, juste juge, Dieu vengeur, accordez-moi le pardon de mes péchés, avant le jour du compte terrible. Pater, Ave. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et LivreMystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.